communauté française et reconnue d'utilité publique ont décidé de s'unir pour marquer l'union nationale qui doit prévaloir en de telles circonstances. Donc, rassemblement au consulat général de France à 6h ce soir. C'est au 25, la rue Saint-Louis. On va aller rejoindre notre chroniqueur politique, notre collaborateur, animateur et collaborateur pour notre station sœur Radio 9 à Montréal. C'est le chum Richard Descaries. Richard Descaries, bonjour. Oh, bouge pas, ça va aller mieux de même, mon Richard. Mets-moi du son, oui, du son, je vais te parler. C'est moi, c'était de ma faute, puis j'ai pas voulu te couper, Richard. Je suis pas, c'est pas mon genre, nécessairement, de museler les gens. Même si je ne suis pas Charlie, tu vas pas me couper le son. Là. Non, c'est ça, explique-moi, t'es pas Charlie, toi, Richard? Ben écoute, Charlie, là, c'est une revue arrogante qui tire partout et qui tape sur tout ce qui bouge depuis très longtemps. Oui. J'aimais bien le parallèle qui a été fait précédemment dans l'émission en disant, écoute, tu tapes sur la gueule du gars pendant toute l'année scolaire, puis tu te surprends à la fin que tu t'en sois vine de ton côté. Faut faire attention. En dehors de ça... Mais il y a une différence entre une... C'est ça, il y a une différence... Il faut dénoncer le geste là qui est inacceptable et il faut nommer un chat qui est un chat. C'est de l'islamisme politique, du terrorisme. Oui. Et arrêter de tirer sur toutes les religions, etc., comme si tout était pareil. C'est ça le drame un peu de ces médias de gauche-là, c'est qu'ils mettent tout dans un même panier. Et aujourd'hui, grâce aux islamistes terroristes, on va en faire une icône. Écoute, tous les médias en France veulent aider Charlie à survivre. C'est un peu pathétique en bout de ligne. Pourquoi? Ben écoute, c'est une revue satirique de gauche qui présente un point de vue. Et c'est certain qu'il y a du courage politique à dénoncer des choses inacceptables, mais c'est pas une revue qui doit faire le ménage dans le problème fondamental en France, qui est la présence musulmane en sol français, qui est une bombe à retardement. Soyons clairs, là, si pas tous les musulmans sont des islamistes, tous les islamistes sont musulmans et c'est ça qui est la problématique. Ici, on le vit moins, malgré qu'à Montréal, on a eu de plus en plus d'inquiétudes par rapport aux sources de relations avec Al-Qaïda et d'autres. Ben, on en a vu sortir pendant le temps de la charte, là. Je veux dire, l'affaire, on était là à Montréal, toi et moi, puis je te dis que des fois, il y a des gens qui nous traitaient d'islamophobes, là. Je suis un peu tanné, là, de ça, moi, être honnête avec toi, Richard. Non, là. Mais imagine-toi, en France, c'est exposant 20. Ben oui, c'est 100 fois pire là-bas, et le risque que ce soit arrivé, moi, ça m'étonne que ce soit pas arrivé avant aujourd'hui. Et c'est très déplorable, mais il faut regarder au-delà de ça. Et là, t'as tous les politiciens qui pleurent en disant c'est inacceptable. Les politiciens devraient regarder ce qu'ils font depuis des décennies et regarder où est la source du problème. Parce que, bon, en France, c'est pas la même chose. Ben moi, j'ai toujours dit, tout ce qui se passe comme bordel en France, souvent arrive au Québec dans les années suivantes, là. Mais en France, l'islam radical, c'est quand même un problème depuis un bout de temps, là. Ben, c'est un problème partout en Occident, mais l'Occident s'est drapé dans l'idéologie multiculturaliste depuis des décennies. Au Canada, on y échappe pas. T'as pas le droit de parler contre rien. T'sais, on a légalisé le port d'une arme qui s'appelle un kirpan à l'école primaire, souviens-toi. Oui. C'est la Cour suprême du Canada qui a décidé ça. Et pendant ce temps-là, t'as des parents qui veulent la liberté d'enseignement à l'école, puis ils l'ont pas avec cette même Cour suprême-là. Donc, on a une idéologie multiculturaliste, surtout depuis 1982, avec le repatriement de la Constitution de Trudeau. Et depuis ce temps-là, on s'est créé une bombe à retardement, et ça m'étonne que ce soit pas encore pire que ce qu'on vit actuellement. Ouais, parce que je trouve que nos libertés qu'on a ici, en fait, ben, pour le peu qui reste là de liberté là, mais avec le multiculturalisme, tout ce qu'on leur a permis, ben c'est comme venu empiétrer sur notre cour aussi en même temps là. Ben on demande pas aux immigrants de s'intégrer à une culture commune. Donc on dit nous, on n'a plus de culture commune. Hein, c'est free for all. On a le droit de dire ce qu'on veut, comme on veut. Depuis les années 60, on n'a pas le droit de censurer au nom de la liberté. Oui, mais moi, si je dis à mes enfants, faites ce que vous voulez, ça va être le bordel. Et c'est ce qu'on vit de plus en plus depuis cette époque-là. Alors, d'aller permettre de dire n'importe quoi, il y a une religion politique, parce que c'est une théocratie, hein, l'islamisme. Dieu m'a dit de venir te faire sauter la cervelle parce que t'as fait une caricature. Écoute, c'est jouer avec le feu pas mal quand on comprend qui passe aux actes, et aujourd'hui, on a vu ce que ça donnait. Parce que là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Là, tout le monde va faire attention? Tout le monde va faire attention à ce qu'ils vont dire? Tout le monde va faire attention à ce qu'ils vont écrire? Tout le monde va faire attention... Le totalitarisme de la violence, parce que l'islamisme politique, là, c'est de la violence. Carrément. Ça fonctionne. Il y a beaucoup de monde qui vont se censurer dorénavant. Tu sais, auparavant, on disait les tours à New York, c'était grave, hein, tout ce qui était en hauteur, tout le monde craignait. Je me souviens que même à Montréal, on avait demandé aux gens dans les tours de s'en aller à la maison, ce qui est un peu loufoque. Mais là, ici, on parle de prendre action dans les médias contre l'islamisme terroriste. Et il y a beaucoup de monde qui vont dire, au lieu de faire un dessin ou d'écrire un texte, je vais m'en passer. Mm-hmm. Je vais parler de recettes beaucoup plus soft pendant ce temps-là. Ben, on discutait un petit peu plus tôt avec Serge Gaboury. M. Gaboury, qui est un illustrateur, dessinateur, a été travaillé pendant longtemps pour le magazine Crow dans le temps, travaillé pour Safarir, Les Débrouillards, bref. Il roule sa bosse depuis longtemps, puis c'est ce qu'il nous disait. Il disait, tu sais, moi, il y a des sujets que, bon, des fois, quand c'est un peu trop touché, tu fais attention. C'est contrairement à bon Charlie Hebdo ou ce que autres, même si c'était dangereux, écoute, on fonçait dans le top, on en rajoutait aussi là. Ouais, c'était le pain puis le beurre du magazine, et puis tu sais, on comprend un peu toute l'histoire derrière ça. De là à venir dire que c'est la septième merveille du monde, un instant là, c'était quand même une revue de gauche qui prônait des choses inacceptables à sa base. Alors faut regarder un peu au nom de l'humour, qu'est-ce qu'on nous passe dans le gorgoton. Prenons un exemple bien simple, proche de nous autres, le Bye Bye. Je sais pas si tu as écouté ça. Oui. Bon, on a fait une grande satire. Premièrement, c'est payé avec nos impôts, ça, là, c'est Radio-Canada. Et on a fait une grosse satire. On a traité de gros le ministre Barrette. Mm-hmm. Alors, on peut parler de la qualité du ministre Barrette, de ce qu'il fait, mais on peut pas parler de la personne, attaquer la personne. C'est pourtant ce qu'ils ont fait. Donc, c'est le même État qui va financer l'éducation des enfants contre l'intimidation. Et en même temps, ils financent, au nom de l'humour, ça, c'est acceptable, dans une radio, une télévision d'État. T'as le droit d'intimider, on présente ça. Ouais. L'intimidation, la pire, rire de quelqu'un qui est obèse. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Alors ça montre un peu qu'il y a des dérapages, et on pourrait en nommer une pléthore. Là, il y en a du niaisage qui se fait, qui se dit, au nom de l'humour. Par exemple, une anecdote, moi j'ai été victime de libelle à Radio-Canada, et quand j'ai parlé à l'ombudsman, il dit non, il dit ça, c'était dans une émission d'humour. OK? Donc, ils ont le droit, eux autres, de dire que t'es un écœurant puis un pas bon. Mais si c'était une émission d'information, il n'y aurait pas le droit. C'est complètement ridicule. Et ça, c'est une société d'État qui se dit sérieuse et qui est financée avec nos impôts. Mais tu vois, Richard... Ça montre l'extension de les dérapages de l'humour, en fait. C'est que l'humour, maintenant, c'est pas compliqué. Tu peux parler, puis je le dis souvent, là, tu peux faire, au nom de l'humour, là, OK, on va mettre ça entre guillemets, là, l'homme blanc, là... Ça, t'as le droit. Tu peux dire à peu près ce que tu veux sur l'homme blanc. Mais tu vas faire une blague sur... Mais tu vas pas une blague, mais tu vas dénoncer. Ou tu vas faire une blague sur les musulmans, on va te traiter d'islamophobe. Tu vas faire une blague sur les femmes, on va te traiter de misogyne. Tu vas faire une blague sur les noirs, écoute, on va te traiter de raciste. Puis qui reste, c'est ça. Les blancs, ça, c'est pas grave, ça. Un gros Barrette, on peut rire, mais imagine si t'as une grosse à la place. C'était Madame Barrette qui était ministre de la Santé. Je pense qu'il y aurait pas eu de joke là-dessus. En fait, c'est que c'est tout le monde est de gauche. Et quand on est de gauche et qu'on rit de n'importe quoi, ça passe. Quand on est de droite et qu'on rit de choses qui ont leur raison d'être, parce qu'il y a un côté intéressant ou éducatif à une satire bien faite, hein, on peut faire une blague et ça permet de passer un message, faut pas négliger cet aspect-là, mais ça doit être fait dans le respect des personnes et tout le reste. Les autres qui ont aucune limite, les gens de gauche, ils peuvent taper sur tout ce qui bouge, et après on les encense lorsqu'ils sont victimes, comme c'est arrivé à Charlie Hebdo, au nom de, écoute, on a atteint la démocratie, écoutez, repassez, là, il y a aucun média qui est objectif et qui est vraiment libre. Parlez-en aux journalistes, là. Ils ont tous un billet de gauche, sinon, ils sont pas publiés. Mm-hmm. C'est carrément ça. Alors, Sauf que, de l'autre côté, je pense qu'ils méritent pas du tout ce qui s'est passé aujourd'hui, non, tu comprends? Faut toujours dénoncer la violence, et surtout cette extrême violence-là qui est inacceptable. Mais encore là, est-ce qu'on a couru après le trouble dans une société où on ouvre nos portes à tout ce communautarisme-là d'islamisme, hein, en France, là, avec tout ce qui se passe là-bas depuis longtemps. Et c'était une question de temps avant qu'il arrive des événements, et c'est pas fini, là, c'est le début de on commence, d'une tendance. Là. On l'a vu ici au Canada, c'est la même chose, là, ça commence, là. Ben, avec les réseaux sociaux, on a rejoint un tweet à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis un tweet à Gatineau, qui se sont réveillés un matin, puis ont crié ce qu'il fallait crier en tirant quelqu'un. Ça montre la puissance des réseaux sociaux pour rejoindre des gens dans leur salon qui décide du jour au lendemain de tirer dans le tas. Moi, je pense que l'épine qui avait tiré à la Polytechnique aurait fait ça au nom d'Allah si ça avait été aujourd'hui. Oui. Tu comprends? Donc, les causes qui sont dans les médias, les drames et la violence, elle est véhiculée dans la tête de ces gens-là qui deviennent des fusibles qui sautent une journée qu'on s'y attend pas. Et là, les forces de l'ordre ne peuvent plus contrôler ça. C'est une impossibilité. Charlie Hebdo était peut-être l'endroit le plus ciblé par rapport à une attaque depuis quelques années. Mm-hmm. Et regarde ce que ça a donné. Alors, on peut pas avoir un policier par personne à travers tout l'Occident. Mais si on fait pas le ménage dans nos politiques, ben ça donne en bout de ligne ce genre de résultat-là. Ben, OK, on fait ça comment? Ben, il faut justement à s'assurer que l'immigration qui arrive dans les pays occidentaux arrive par rapport à une culture occidentale. Nous, depuis les années 60, on a dit notre culture est pas bonne. Hein? Ce qu'on dit aujourd'hui de d'islamophobe et tout le reste, à l'époque, c'était pas ce mot-là qu'on prenait, parce que ça veut dire avoir peur d'eux. On était des racistes, hein? Tout le monde était des racistes ou à peu près, et on s'est fait une grosse prise de conscience collective en disant, ben écoute, c'est très mauvais tout ce qu'on a comme culture et on va s'ouvrir à toute la planète. Et aujourd'hui, toutes les cultures s'équivalent. J'entendais Ben Habib ce matin sur nos ondes qui disait, Jamila Ben Habib, qui disait, c'est tous les intégrismes religieux. C'est complètement faux. C'est de l'islamisme politique et c'est à ça qu'elle doit s'attaquer. Ben non, elle en profite pour tirer partout. Tous azimuts, et ces gens-là, c'est eux autres qui, leur discours est véhiculé dans les médias. Alors, les gouvernements, les États doivent réviser les politiques. La première, c'est d'abolir le multiculturalisme qui met sur un pied d'égalité toutes les cultures, et je te dirais même que c'est même pas d'un pied d'égalité. Tout ce qui est la culture traditionnelle de l'Occident, de l'Amérique, du Québec, a été mis de côté, est toujours minimisé au nom de l'ouverture vers les autres cultures. Ça donne la reconnaissance, comme je disais, de la Cour suprême du kirpan, donc le port d'une arme chez un enfant au primaire, versus une liberté d'éducation de ceux qui sont ici depuis des générations, qui a été bafouée par la même Cour suprême. Mm-hmm. Ah, je te comprends. Là, le ménage se fait là. Si tu veux venir ici, si tu veux immigrer chez nous, ben gars, tu prends les mœurs et coutumes de chez nous, tu t'intègres. C'est la même chose que quand on voyage. Moi, j'ai voyagé, puis t'as voyagé toi aussi, Richard. Puis quand on voyage dans différents pays de certaines cultures, puis à un moment donné, moi, j'étais à tel endroit, puis on m'a dit, écoutez, monsieur, vous pouvez pas rentrer là, à part de vous mettre une jaquette autour de vous. Ben qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai mis une jaquette, puis j'ai pu rentrer dans ce coin-là. J'avais de la netatin, mais qu'est-ce que tu veux? J'étais pas pour commencer à dire, non, de la liberté, moi, chez nous, j'en mets pas, puis j'en mettrai pas ici. C'est parce que t'es pas chez vous, là. Si tu veux pas respecter ça, tu vas ailleurs. Exactement. Et je te donne une anecdote que j'ai vécue quand j'ai travaillé à Ottawa pour les conservateurs. Donc, c'était au début de Harper. Et c'était surtout les gens du Reform Party qui étaient là-bas, hein, qui faisaient partie de ce nouveau parti-là. Et à leur grande surprise, je leur dis, écoutez, le Canada, il est pas bilingue d'un océan à l'autre, parce que les Anglais sont très frustrés de s'être fait imposer ça par Trudeau. Ça, c'était au nom, encore là, des fameuses chartes de l'ouverture et tout le reste. Alors, imagine-toi que t'es dans une ville à 100% anglophone et qu'on t'oblige à publier des choses en français. Écoute, les gens viennent agressifs par rapport aux Québécois, ce qui est complètement aberrant. Et t'as le contrepoids ici au Québec à des endroits où c'est complètement français, où là, faudrait qu'il y ait un bilinguisme aussi. Alors ça, c'est un exemple d'imposition qui est complètement déconnecté d'une réalité au nom d'une ouverture sur le monde, tu comprends? Mm-hmm. Et ça c'est un exemple parmi d'autres. Mais quand je disais aux Anglais, non, vous avez raison que si c'est bilingue le Canada, c'est parce que c'est français au Québec, puis c'est bilingue en Ontario, c'est bilingue au Nouveau-Brunswick, mais c'est anglais au Newfoundland, puis c'est anglais à Calgary, tu sais. Oui. Alors ça, ce genre de mise en situation-là, de retour à la réalité, doit être fait avec les immigrants. Et les immigrants musulmans, beaucoup vont dénoncer un peu l'espèce d'ouverture culturelle du Canada en disant, écoutez, vous courez après le trouble, là, vous n'avez pas idée ce qui va arriver. On a presque adopté la charia en Ontario à un moment donné. Ben oui, on a voulu l'avoir. Ben la charia, écoute, adopter, ça aurait été très grave. Et ça, c'est la loi de Allah dans le quotidien des gens. Ben voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Et c'est là qu'on se met à tout remettre en question. Tout le monde, les fameux laïcistes comme Jamila Ben Habib, qui veulent abolir tous les référents catholiques au Québec. Ben bonne chance, il y en a une tonne. Mm-hmm. Mais c'est pas pour rien que ça existe, hein. Pourquoi Noël, on veut enlever la crèche, etc. Ben oui, mais est-ce qu'on fait table rase de notre culture depuis des centaines d'années? Ben, ce qui va arriver, on va se retrouver avec des islamistes politiques qui vont rentrer par la grande porte. Et après ça, tu n'as pas les moyens de te défendre parce que tu dis, je suis contre ça au nom de quoi? Heureusement qu'eux autres, ils utilisent la violence. On peut dénoncer la violence sans tomber dans le débat culturel. Mm-hmm. Mais le débat que l'État doit faire, pour revenir à ta question sur qu'est-ce qu'on fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une charte de la laïcité, même si c'était une mauvaise charte qui a été présentée. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ait des normes par rapport à une immigration culturelle que le Canada encourage à conserver au lieu de s'intégrer. Mais écoute, à la culture du pays. Tantôt, puis on finit avec ça, Richard, je parlais avec Michel Junot-Catuya, puis je lui ai posé la question, est-ce que vous pensez que nos politiciens sont naïfs à l'égard des réseaux islamistes qu'on a ici? Puis la réponse a été oui, là. Puis d'ailleurs, on l'a déjà vu. Comment tu veux le problème quand on voit Philippe Couillard, puis Mme Verle, puis on en a déjà parlé, avec des gens qui se disent, bon, des gens bien ordinaires de la communauté musulmane, mais finalement, quand tu penses, puis tu regardes un peu leurs liens en arrière, ce sont des gens qui sont quasiment pour faire la promotion de la charia. C'est-à-dire, comment tu veux régler le problème avec ça? Ils sont pas naïfs. Il y a personne qui est pas au courant de cette réalité-là. Tu comprends? On est à l'ère des médias sociaux. Écoute, ce matin, quand c'est arrivé sur Twitter, tout le monde était au courant instantanément. T'as plus besoin aujourd'hui d'avoir un bulletin de nouvelles qui vient te renseigner. Donc, les politiciens sont très au fait, mais ils ferment les yeux devant une situation au nom d'une idéologie qui s'appelle le multiculturalisme. Mmh. Alors, M. Couillard, c'est un vrai de vrai multiculturaliste et il se retrouve dans des situations très problématiques, très souvent à cause de ça. Mais ce sont les gens qu'on a élus en place et eux vont surtout ne pas toucher au fondement du problème. Ce matin, le président Hollande faisait des grandes déclarations. Qu'est-ce qu'il a fait pour régler le problème? D'ailleurs, il fait son discours à la nation, Richard, présentement. Je veux pas t'interrompre, mais je veux juste te dire ça. Il est en train de faire son discours. Oui, puis ce qu'il va dire, ça va être des phrases creuses, tu sais. Parfait, il faut dénoncer la violence, mais toute violence de A à Z. Celle-ci, pourquoi est-elle islamiste? C'est parce qu'il y a d'autres problématiques qui sont politiques et culturelles, et ça, Hollande va tout faire, sauf en parler. Mm-hmm. Richard Descaries, toujours un plaisir de discuter et de savoir ton opinion sur différents sujets de l'actualité. Moi, te souhaiter une bonne fin de journée, mister. À vous aussi. Merci. Richard Descaries, qui est notre analyste politique, un gars qui a déjà travaillé pour le gouvernement et avec Stephen Harper. Et c'est notre collègue et animateur à Radio 9, notre station sœur à Montréal. 2h02 pour nous joindre, live en commercial radiox.com, 670-9098 ou encore sans frais le 1-877-440-2464. Peut-être un petit extrait du président français, M. François Hollande, avant de partir en pause, puis on va y aller avec ça. À la hauteur du crime qui nous frappe. D'abord, en recherchant les auteurs de cette infamie et de faire en sorte qu'ils puissent être arrêtés, puis ensuite jugé et puni très sévèrement. Et tout sera fait pour les appréhender. Aujourd'hui, l'enquête avance sous l'autorité de la justice. Nous devons... Monette. Radio X. L'extra. 80. La fin de semaine à 16h. On sort le synthétiseur.